écoutez CKRL 89.1. Le mercredi 26 avril, ici Dominique Lelièvre et les informations. L'Université Laval sera dirigée par une femme pour la première fois de son histoire. La professeure titulaire Sophie Damour a été élue par le collège électoral avec 50,7% des voix devant son rival Éric Beauce. Le vice-recteur exécutif, fortement associé à l'administration sortante, obtient 43% d'appui. De son côté, le doyen de la faculté d'administration, Michel Gendron, a terminé troisième avec 7%. Au cours de sa campagne, Sophie Damour a promis d'apporter plus de transparence à l'institution. Elle a aussi affirmé son intention de décentraliser les pouvoirs. Elle souhaite notamment donner plus de liberté aux doyens. Elle souhaite également se rapprocher de la communauté universitaire. Madame Damour a également promis de redonner le blason de l'université sur la scène internationale. Dans le quartier Sillery, l'avenue Maguire veut se rajeunir et se moderniser. La Ville de Québec soutiendra le projet de réaménagement porté par la Société de développement commercial depuis 2 ans. Les deux partenaires étudient plusieurs possibilités, dont l'élargissement des trottoirs, du verdissement et l'achat de mobilier urbain. Les premiers changements pourraient se manifester dès 2019. La Ville de Québec souhaite faire de Maguire l'une des premières artères à adopter le concept de rue conviviale, qui vise à faire plus de place aux piétons, aux cyclistes et aux transports en commun. Et s'agissant des modifications apportées au parcours 11 par le RTC dans le secteur, le président de la SDC, Camille Lacroix, affirme que le dossier n'est pas clos et qu'il souhaite le maintien d'au moins quelques arrêts d'autobus. Il a également confié à CKRL qu'un nouveau bar ouvrirait dans les prochaines semaines sur l'avenue Maguire. En terminant, le village Vacances Valcartier apporte d'importants changements à sa direction. Quelques mois après le décès du fondateur Guy Drouin, les trois fils qui ont pris la relève procèdent à plusieurs nominations. La présidence et la direction générale du village Vacances Valcartier sera désormais assurée par l'homme d'affaires Louis Massicotte, un ami de longue date de la famille. Celui-ci travaillera en étroite collaboration avec les fils de Guy Drouin, lequel est décédé en décembre dernier. Printemps, été, automne, hiver, météo. Il fait présentement 10 degrés à Québec, c'est généralement nuageux. On a presque atteint le maximum pour la température aujourd'hui. Il doit faire 11 degrés cet après-midi et ce sera une pluie ou une pruine intermittente cet après-midi. Il y a des nappes de brouillard qui vont se former au cours de la nuit, qui vont se dissiper demain matin. Demain jeudi, ce sera 12 degrés avec une bruine en intermittence. Vendredi, il fera 20 degrés avec 60% de probabilité d'averse.